En Islande, chapitre 7. Cette joie à laquelle se réduit la félicité temporelle, elle s'est fatiguée à la poursuivre par des sentiers âpres et douloureux, sans avoir jamais pu l'atteindre. Confession de saint Augustin. Rentré dans son cabinet après avoir quitté Poel, le gouverneur de Trondheim s'enfonça dans un large fauteuil et ordonna, pour se distraire, à l'un de ses secrétaires de lui rendre compte des placés présentés au gouvernement. Celui-ci, après s'être incliné, commença. Premier, le révérend docteur Anglivius demande qu'il soit pourvu au remplacement du révérend docteur Foxtip, directeur de la bibliothèque épiscopale, pour cause d'incapacité. L'exposant ignore qui pourra remplacer le dit docteur incapable. Il fait seulement savoir que lui, docteur Anglivius, a longtemps exercé les fonctions de bibliothèque. Renvoyez ce drôle à l'évêque, interrompit le général. Deuxième, Athanase Munder, prêtre, ministre des prisons, demande la grâce de 12 condamnés pénitents à l'occasion des glorieuses noces de sa courtoisie ordonneur Gundelo, baron de Torvik, chevalier de Danbrog, fils du vice-roi, avec noble dame Ulrich d'Allefeld, fille de sa grâce le comte grand chancelier des deux royaumes. « Ajournez, dit le général, je plains les condamnés. » Troisième, Faust Prudens d'Estrombides, sujet norvégien, poète latin, demande à faire l'épithalame des 10 nobles époux. Ha ha, le brave homme doit être vieux, car c'est le même qui, en 1674, avait préparé un épithalame pour le mariage projeté entre Schumacher, alors comte de Grimmenfeld, et la princesse Louise Charlotte de Holstein-Augustenbourg, mariage qui n'eut pas lieu. Je crains, ajouta le gouverneur entre ses dents, que Faust Prudens soit le poète des mariages rompus. Ajournez la demande et poursuivez. On s'informera, à l'occasion du dit poète, s'il n'y aurait pas un lit vacant à l'hôpital de Drontheim. Quatrième, les mineurs de Gullsbrandshall, des îles Faroer, du Sundmøre, de Umfalo, de Røros et de Kongsberg, demandent à être affranchis des charges de la tutelle royale. Ces mineurs sont remuants. On dit même qu'ils commencent déjà à murmurer du long silence gardé sur leur requête. Qu'elle soit réservée pour un mûr examen. Cinquième. Braal, pêcheur, déclare en vertu de l'Odelreich, footnote Odelreich, loi singulière qui établissait parmi les paysans norvégiens des sortes de majorats. Tout homme qui était contraint de se défaire de son patrimoine pouvait empêcher l'acquéreur de l'aliéner, en déclarant tous les 10 ans à l'autorité qu'il était dans l'intention de le racheter. Qu'il persévère dans l'intention de racheter son patrimoine. Sixième. Les syndics de Neuss, Neuvig, Indal, Schongen, Stod, Sparbo et autres bourgs et villages de Trondheimus, septentrional, demandent que la tête du brigand, assassin et incendiaire Han, natif, dit-on, de Klipstadur en Islande, soit mise à prix. S'oppose à la requête Nicole Orugix, bourreau de Trontenus, qui prétend que Han est sa propriété. Appuie la requête Beninus Plagudri, gardien du Splagdes, auquel doit revenir le cadavre. Ce bandit est bien dangereux, dit le général, surtout lorsqu'on craint des troubles parmi les mineurs. Qu'on fasse proclamer sa tête au prix de 1000 écus royaux. Septième. Beninus Piagudri, médecin, antiquaire, sculpteur, minéralogiste, naturaliste, botaniste, légiste, chimiste, mécanicien, physicien, astronome, théologien, grammairien. Hey, mais, interrompit le général, est-ce que ce n'est pas le même Spiagudry que le gardien de Splagdest? Si, vraiment, votre Excellence, répondit le secrétaire. Concierge pour Sa Majesté de l'établissement dit Splatgest, dans la royale ville de Drontheim, expose que c'est lui, Beninus Piagudry, qui a découvert que les étoiles appelées fixes n'étaient pas éclairées par l'astre appelé soleil. Item que le vrai nom d'Odin est Frigg, fils de Fridulf. Item que le lombric marin se nourrit de sable. Item que le bruit de la population éloigne les poissons des côtes de Norvège, en sorte que les moyens de subsistance diminuent en proportion de l'accroissement du peuple. Item que le golfe nommé Ottesund s'appelait autrefois Limfjord et n'a pris le nom d'Ottesund qu'après qu'Othon le Roux y eut jeté sa lance. Item expose que c'est par ses conseils et sous sa direction qu'on a fait d'une vieille statue de Freya la statue de la justice qui orne la grande place de Drontheim, et qu'on a converti en diable, représentant le crime, le lion qui se trouvait sous les pieds de l'idole. Item. Oh, faites-nous grâce de ces éminents services. Voyons, que demande-t-il? Le secrétaire tourna plusieurs feuillets et poursuivit. Le très humble exposant croit pouvoir, en récompense de tant de travaux utiles aux sciences et aux belles lettres, supplier son excellence d'augmenter la taxe de chaque cadavre, mâle et femelle, de 10 ascalins, ce qui ne peut qu'être agréable aux morts, en leur prouvant le cas qu'on fait de leur personne. Ici, la porte du cabinet s'ouvrit, et l'huissier annonça à haute voix la noble dame comtesse d'Alfeld. En même temps, une grande dame, portant sur sa tête une petite couronne de comtesse, richement vêtue d'une robe de satin écarlate, bordée d'hermine et de franges d'or, entra et, acceptant la main que le général lui offrait, vint s'asseoir près de son fauteuil. La comtesse pouvait avoir 50 ans. L'âge n'avait, en quelque sorte, rien eu à ajouter aux rides dont les soucis de l'orgueil et de l'ambition avaient depuis si longtemps creusé son visage. Elle attacha sur le vieux gouverneur son regard hautain et son sourire faux. « Eh bien, seigneur général, votre élève se fait attendre. Il devait être ici avant le coucher du soleil. » « Il y serait, dame comtesse, s'il n'était, en arrivant, aller à Munkholm. » Comment? À Munkholm? J'espère que ce n'est pas Schumacher qu'il cherche. » Mais cela se pourrait. La première visite du baron de Torvik aura été pour Schumacher. Pourquoi non, comtesse? Schumacher est malheureux. Comment, général? Le fils du vice-roi est lié avec ce prisonnier d'État? Frédéric Guldenlow, en me chargeant de son fils, me pria, noble dame, de l'élever comme j'eusse élevé le mien. J'ai pensé que la connaissance de Schumacher serait utile à Ordener, qui est destiné à être aussi puissant un jour. J'ai en conséquence, avec l'autorisation du vice-roi, demandé à mon frère Grumont de Knud un droit d'entrée pour toutes les prisons que j'ai données à Ordener. Il en use. Et depuis quand, noble général, le baron Ordener a-t-il fait cette utile connaissance? Depuis un peu plus d'un an, dame comtesse. Il paraît que la société de Schumacher lui plut, car elle le fixa assez longtemps à Drontheim. Et ce n'est qu'à regret, et sur mon invitation express, qu'il en partit l'année dernière pour visiter la Norvège. Et Schumacher sait-il que son consolateur est le fils d'un de ses plus grands ennemis? Il sait que c'est un ami, et cela lui suffit, comme à nous. « Mais vous, seigneur général, » dit la comtesse avec un coup d'œil pénétrant, « saviez-vous, en tolérant et même en formant cette liaison, que Schumacher avait une fille ?»« Je le savais, noble comtesse. » « Et cette circonstance vous a semblé indifférente pour votre élève ?» L'élève de Levin de Knund, le fils de Frédéric Guldenlow, est un homme loyal. Ordener connaît la barrière qui le sépare de la fille de Schumacher. Il est incapable de séduire, sans but légitime, une fille, et surtout la fille d'un homme malheureux. » La noble comtesse d'Alfeld rougit et pâlit. Elle tourna la tête, cherchant à éviter le regard calme du vieillard, comme celui d'un accusateur. « Enfin, balbutia-t-elle, cette liaison générale me semble, souffrez que je le dise, singulière et imprudente. On dit que les mineurs et les peuplades du Nord menacent de se révolter, et que le nom de Schumacher est compromis dans cette affaire. » « Noble dame, vous m'étonnez ? » s'écria le gouverneur. « Schumacher a jusqu'ici supporté tranquillement son malheur. Ce bruit est sans doute peu fondé. » La porte s'ouvrit en ce moment, et l'huissier annonça qu'un messager de sa grâce, le grand chancelier, demandait à parler à la noble comtesse. La comtesse se leva précipitamment, salua le gouverneur, et, tandis qu'il continuait l'examen des placés, se rendit en toute hâte à ses appartements, situés dans une aile du palais, en ordonnant qu'on y envoyât le messager. Elle était depuis quelques moments assise sur un riche sofa, au milieu de ses femmes, quand le messager entra. La comtesse, en l'apercevant, fit un mouvement de répugnance qu'elle cacha soudain sous un sourire bienveillant. L'extérieur du messager ne semblait pourtant pas repoussant au premier abord. C'était un homme plutôt petit que grand, et dont l'embonpoint annonçait tout autre chose qu'un messager. Cependant, quand on l'examinait, son visage paraissait ouvert jusqu'à l'impudence, et la gaieté de son regard avait quelque chose de diabolique et de sinistre. Il s'inclina profondément devant la comtesse et lui présenta un paquet, scellé avec des fils de soie. « Noble dame, dit-il, daignez me permettre d'oser déposer à vos pieds un précieux message de sa grâce, votre illustre époux, mon vénéré maître. Est-ce qu'il ne vient pas lui-même? Et comment vous prend-il pour messager? Demanda la comtesse. Des soins importants diffèrent l'arrivée de sa grâce. Cette lettre est pour vous en informer, madame la comtesse. Pour moi, je dois, d'après l'ordre de mon noble maître, jouir de l'insigne honneur d'un entretien particulier avec vous. » La comtesse pâlit. Elle s'écria d'une voix tremblante. « Moi, un entretien avec vous, me demandez ? » Si cela affligeait en rien la noble dame, son indigne serviteur serait au désespoir. « Affligé ? Non, sans doute !» reprit la comtesse, s'efforçant de sourire. « Mais cet entretien est-il si nécessaire ? » Le messager s'inclina jusqu'à terre. « Absolument nécessaire. La lettre que l'illustre comtesse a daigné recevoir de mes mains doit en contenir l'injonction formelle. » C'était une chose singulière que de voir la fière comtesse d'Alfeld trembler et pâlir devant un serviteur qui lui rendait de si profond respect. Elle ouvrit lentement le paquet et en lut le contenu. Après l'avoir relu, « Allons, dit-elle à ses femmes d'une voix faible, qu'on nous laisse seuls. » « Daigne la noble dame, dit le messager fléchissant le genou, me pardonner la liberté que j'ose prendre et la peine que je parais lui causer. » « Croyez au contraire, repartit la comtesse avec un sourire forcé, que j'ai beaucoup de plaisir à vous voir. » Les femmes se retirèrent. « Alfeg, tu as donc oublié qu'il fut un temps où nos tête-à-tête ne te répugnaient pas. » C'était le messager qui parlait à la noble comtesse, et ses paroles étaient accompagnées d'un rire pareil à celui du diable, lorsqu'au moment où le pacte expire, il saisit l'âme qui s'est donnée à lui. La puissante dame baissa sa tête humiliée. « Que ne l'ai-je en effet oublié ? » murmura-t-elle. « Pauvre folle, comment peux-tu rougir de choses que nul œil humain n'a vues ? Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Dieu, faible femme, tu n'es pas digne d'avoir trompé ton mari, car il est moins crédule que toi. Vous insultez peu généreusement à mes remords, mes démons. Eh bien, si tu en as, Elfège, pourquoi alors insultes-tu toi-même chaque jour par des crimes nouveaux ? La comtesse d'Alfeld cacha sa tête dans ses mains. Le messager poursuivit. Elfège, il faut choisir. Ou le remords est plus de crime, ou le crime est plus de remords. Fais comme moi, choisis le second parti. C'est le meilleur, le plus gai du moins. Puissiez-vous, dit la comtesse à voix basse, ne pas retrouver ces paroles dans l'éternité. Allons, ma chère, quittons la plaisanterie. Alors, Moisdemone, s'asseyant près de la comtesse et passant ses bras autour de son cou. Elfège, dit-il. Tâche de rester, par l'esprit du moins, ce que tu étais il y a 20 ans. L'infortunée comtesse, esclave de son complice, tâcha de répondre à sa repoussante caresse. Il y avait dans cet embrassement adultère de deux êtres qui se méprisaient et s'exécraient mutuellement quelque chose de trop révoltant, même pour ces âmes dégradées. Les caresses illégitimes qui avaient fait leur joie et que je ne sais quelle horrible convenance les forçait de se prodiguer encore, faisaient maintenant leur torture. Étrange et juste changement des affections coupables, leur crime était devenu leur supplice. La comtesse, pour abréger ce tourment adultère, demanda enfin à son odieux amant, en s'arrachant de ses bras, de quel message verbal son époux l'avait chargé. D'Alefeld, dit Musdoémon, au moment de voir son pouvoir s'affermir par le mariage d'ordonneur Guldenlow avec notre fille. « Notre fille !» s'écria la hautaine comtesse. Et son regard, fixé sur Musdoémon, reprit une expression d'orgueil et de dédain. « Eh bien, dit froidement le messager, je crois qu'Ulrich peut m'appartenir au moins autant qu'à lui. » Je disais donc que ce mariage ne satisfaisait pas entièrement ton mari, si Schumacher n'était en même temps tout à fait renversé. Du fond de sa prison, ce vieux favori est encore presque aussi redoutable que dans son palais. Il a à la cour des amis obscurs, mais puissants, peut-être parce qu'ils sont obscurs. Et le roi, apprenant il y a un mois que les négociations du grand chancelier avec le duc de Holstein-Plauen ne marchait pas, s'est écrié avec impatience. Grinfenfeld à lui seul en savait plus que tous. Un intrigant nommé Dispolsen, venu de Munkholm à Copenhague, a obtenu de lui plusieurs audiences secrètes, après lesquelles le roi a fait demander à la chancellerie, où ils sont déposés, les titres de noblesse et de propriété de Schumacher. On ignore à quoi Schumacher aspire. Mais ne désirerait-il que la liberté pour un prisonnier d'État? C'est désirer le pouvoir. Il faut donc qu'il meure, et qu'il meure judiciairement. C'est à lui forger un crime que nous travaillons. Ton mari, Elfège, sous prétexte d'inspecter incognito aux provinces du Nord, va s'assurer par lui-même du résultat qu'ont eu nos menées parmi les mineurs, dont nous voulons provoquer, au nom de Schumacher, une insurrection qu'il sera facile ensuite d'étouffer. Ce qui nous inquiète, c'est la perte de plusieurs papiers importants relatifs à ce plan, et que nous avons tout lieu de croire au pouvoir de Dispolsen. Sachant donc qu'il était reparti de Copenhague pour Munkholm, rapportant à Schumacher ses parchemins, ses diplômes, et peut-être ses documents qui peuvent nous perdre, ou au moins nous compromettre, nous avons aposté dans les gorges de Kohl quelques fidèles, chargés de se défaire de lui après l'avoir dépouillé de ses papiers. Mais si, comme on l'assure, Dispolsen est venu de Bergen par mer, nos peines seront perdues de ce côté-là. Pourtant, j'ai recueilli en arrivant je ne sais quel bruit d'un assassinat d'un capitaine nommé Dispolsen. Nous verrons. Nous sommes en attendant à la recherche d'un brigand fameux, Han, dit d'Islande, que nous voudrions mettre à la tête de la révolte des mines. Et toi, ma chère, quelle nouvelle d'ici me donneras-tu? Le joli oiseau de Munkholm a-t-il été pris dans sa cage? La fille du vieux ministre a-t-elle enfin été la proie de notre Falco Fulvus? de notre fils, Frédéric ? » La comtesse, retrouvant sa fierté, se récria encore. « Notre fils ! Ma foi, quel âge peut-il avoir ? 24 ans ? Il y en a 26 que nous nous connaissons, Elfège. » « Dieu le sait !» s'écria la comtesse. « Mon Frédéric est l'héritier légitime du grand chancelier. » « Si Dieu le sait !» répondit le messager en riant. « Le diable peut l'ignorer. Au reste, ton Frédéric n'est qu'un étourneau indigne de moi, et ce n'est pas la peine de nous quereller pour si peu de choses. Il n'est bon qu'à séduire une fille. Y est-il parvenu, au moins ?»« Pas encore que je sache. » Elfège, tâche donc de jouer un rôle moins passif dans nos affaires. Celui du comte et le mien sont, tu le vois, assez actifs. Je retourne dès demain vers ton mari. Pour toi, ne te borne pas de grâce à prier pour nos péchés, comme la Madone que les Italiens invoquent en assassinant. Il faut aussi qu'Alfeld songe à me récompenser un peu plus magnifiquement qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Ma fortune est liée à la vôtre. Mais je me lasse d'être le serviteur de l'époux quand je suis l'amant de la femme, et de n'être que le gouverneur, le précepteur, le pédagogue, quand je suis presque le père. » En ce moment, minuit sonna, et une des femmes entra, rappelant à la comtesse que, d'après la règle du palais, toutes les lumières devaient être éteintes à 7 heures. La comtesse, heureuse de terminer un entretien pénible, rappela ses suivantes. « Me permette la gracieuse comtesse ?» dit Musd. « Me permet-elle la gracieuse comtesse ?» dit Meudemon en se retirant. « De conserver l'espérance de la revoir demain et de déposer à ses pieds l'hommage de mon profond respect ?» Chapitre 8. Il faut absolument que tu les massacres. Tu as le regard d'un meurtrier, un air sinistre et farouche. Shakespeare, Le songe d'été. En honneur, vieillard, dit Ordeneur à Spiagudry, je commençais à croire que c'étaient les cadavres logés dans cet édifice qui étaient chargés d'en ouvrir la porte. Pardonnez, seigneur, répondit le concierge, ayant encore dans l'oreille les noms du roi et du vice-roi, et répétant son excuse banale. « Je dormais profondément. » « En ce cas, il paraît que vos morts ne dorment pas, car c'était eux sans doute que j'entendais tout à l'heure causer distinctement. » Spiagudry se troubla. « Vous avez, seigneur étranger, vous avez entendu... »« Eh, mon Dieu, oui, mais qu'importe. Je ne suis pas venu ici pour m'occuper de vos affaires, mais pour vous occuper des miennes. » « Entrons !» Spiagudry ne se souciait guère d'introduire le nouveau venu près du corps de Gilles, mais ses dernières paroles le rassurèrent un peu, et d'ailleurs, pouvait-il résister? Il laissa donc passer le jeune homme, et, refermant la porte, « Béninus Spiagudry, dit-il, est à votre service pour tout ce qui concerne les sciences humaines. Cependant, si, comme votre visite nocturne semble l'annoncer, vous croyez parler à un sorcier, vous avez tort. Ne famam credas. Je ne suis qu'un savant. Entrons, seigneur étranger, dans mon laboratoire. » Non pas, dit Ordener, c'est à ces cadavres qu'il faut nous arrêter. À ces cadavres ? S'écria Spiagudry, recommençant à trembler. Mais, seigneur, vous ne pouvez les voir. Comment ? Je ne puis voir des corps qui ne sont déposés là que pour être vus. Je vous répète que j'ai des renseignements à vous demander sur l'un d'eux. Votre devoir est de me les donner. Obéissez de gré, vieillard, ou vous obéirez de force. » Spiagudry avait un profond respect pour les sabres, et il en voyait briller un aux côtés d'Ordener. « Nihil non arrogat armis, murmura-t-il. Et, fouillant dans le trousseau de ses clés, il ouvrit la grille à hauteur d'appui et introduisit l'étranger dans la seconde section de la salle. « Montrez-moi les vêtements du capitaine, » dit celui-ci. En ce moment, un rayon de la lampe tomba sur la tête sanglante de Gilles Stade. Juste Dieu! S'écria Ordener. Quelle abominable profanation! Grand Saint-Hospice, ayez pitié de moi! Dit à voix basse le vieux concierge. Vieillard! Poursuivit Ordener d'une voix menaçante. Êtes-vous si loin de la tombe pour violer le respect qu'on lui voue? Et ne craignez-vous pas, malheureux, que les vivants ne vous apprennent ce que l'on doit aux morts? Oh! S'écria le pauvre concierge. Grâce, ce n'est pas moi! Si vous saviez! Et il s'arrêta, car il se rappela ces mots du petit homme. Sois fidèle et muet. Avez-vous vu quelqu'un sortir par cette ouverture? Demanda-t-il d'une voix éteinte. Oui, est-ce ton complice? Non, c'est le coupable, le seul coupable. J'en jure, par toutes les réprobations infernales, par toutes les bénédictions célestes, par ce corps même si indignement profané. Et il s'était prosterné sur la pierre devant Ordener. Tout hideux qu'était Spiagudry, il y avait cependant dans son désespoir, dans ses protestations, un accent de vérité qui persuada le jeune homme. « Vieillard, dit-il, relève-toi, et si tu n'as point outragé la mort, n'avilis point la vieillesse. » Le concierge se releva. Ordener continua. « Quel est le coupable ?»« Oh, silence, notre jeune seigneur, vous ignorez de qui vous parlez. Silence !» Et Spiagudry se répétait intérieurement. « Sois fidèle et muet. » Ordener reprit froidement. « Quel est le coupable? Je veux le connaître. » « Au nom du ciel, Seigneur, ne parlez pas ainsi. Taisez-vous de peur. » « La peur ne me fera point taire et te fera parler. »« Excusez-moi, pardon, mon jeune maître, » dit le désolé Spiagudry. « Je ne puis. » « Tu le peux, car je le veux. Tu nommeras le profanateur. » Spiagudry chercha encore à tergiverser. « Eh bien, noble maître, le profanateur de ce cadavre est l'assassin de cet officier. »« Cet officier est donc mort assassiné ?» demanda Ordener, ramené par cette transition au but de sa recherche. « Oui, sans doute, seigneur. »« Et par qui? Par qui ?»« Au nom de la sainte que votre mère invoquait en vous donnant le jour, ne cherchez pas à savoir ce nom, mon jeune maître. Ne me forcez pas à le révéler. » Si l'intérêt que j'ai à le savoir avait besoin d'être accru, vous y ajouteriez, vieillard, l'intérêt de la curiosité. Je vous commande de me nommer ce meurtrier. Eh bien, dit Spiagudry, remarquez ces profondes déchirures produites par des ongles longs et tranchants sur le corps de ce malheureux. Elle vous nomme l'assassin. Et le vieillard montrait à Ordener de longues et fortes égratignures sur le cadavre nu et lavé. « Comment ? » dit Ordener. « Est-ce quelque bête fauve ?»« Non, mon jeune seigneur. »« Mais à moins que ce ne soit le diable !»« Chut ! Prenez garde de trop bien deviner. N'avez-vous jamais entendu parler ?» poursuivit le concierge à voix basse. D'un homme ou d'un monstre à face humaine, dont les ongles sont aussi longs que ceux d'Astaroth qui nous a perdus, ou de l'Antéchrist qui nous perdra. Parlez plus clairement. Malheur, dit l'Apocalypse. C'est le nom de l'assassin que je vous demande. Assassin? Le nom? Seigneur, ayez pitié de moi, ayez pitié de vous. La seconde de ces prières détruirait la première, quand bien même des motifs graves ne me forceraient pas à t'arracher ce nom. N'abuse pas plus longtemps. « Eh bien, vous le voulez, jeune homme, » dit Spiagudry, se redressant et d'une voix haute. « Ce meurtrier, ce profanateur, est Andisland. » Ce nom redoutable n'était pas ignoré d'Ordener. « Comment ? » reprit-il. « Hein ? Cet exécrable bandit ? » Ne l'appelez pas bandit, car il vit toujours seul. Alors, misérable, comment le connaissez-vous ? Quels crimes communs vous ont donc rapprochés ? Oh, noble maître, daignez ne pas croire aux apparences. Le tronc de chêne est-il vénéneux parce que le serpent s'y abrite ? Point de vaines paroles. Un scélérat ne peut avoir d'amis qu'un complice. Mais je ne suis point son ami, et moins encore son complice. Et si mes serments ne vous ont pas persuadé, seigneur, veuillez de grâce remarquer que cette profanation détestable m'expose dans 24 heures, quand on viendra relever le corps de Gilstatt, au supplice des sacrilèges, et me jette ainsi dans la plus effroyable inquiétude où innocent se soit jamais trouvé. » Ces considérations d'intérêt personnel firent encore plus sur ordinaire que la voix suppliante du pauvre gardien, auquel elles avaient probablement inspiré en bonne partie sa pathétique, quoique inutile, résistance au sacrilège du petit homme. Ordener parut méditer un moment, pendant lequel Spiagudry cherchait à lire sur son visage si ce repos déciderait la paix ou ramènerait la tempête. Enfin, il dit d'un ton sévère, mais calme, « Vieillard, soyez véridique. Avez-vous trouvé des papiers sur cet officier ?»« Aucun, sur mon honneur. » »« Savez-vous si Andisland en a trouvé ?» « Je vous jure par Saint-Hospice que je l'ignore. »« Vous l'ignorez. Savez-vous où se cache ce Andisland ?»« Il ne se cache jamais, il erre toujours. » »« Soit, mais enfin, quelles sont ses retraites ?»« Ce païen !» répondit le vieillard à voix basse. « A autant de retraites que l'île de Hitteren a de récifs, que l'étoile Sirius a de rayons. »« Je vous engage de nouveau, » interrompit Ordener, à parler en termes positifs. Je vais vous donner l'exemple. Écoutez, vous êtes mystérieusement lié avec un brigand dont vous soutenez ne pas être le complice. Si vous le connaissez, vous devez savoir où il s'est maintenant retiré. Ne m'interrompez pas. Si vous n'êtes pas son complice, vous n'hésiterez pas à me conduire à sa recherche. » Spiagudry ne put contenir son effroi. « Vous, noble seigneur, vous, grand Dieu, plein de jeunesse et de vie, provoquez, recherchez ce démoniaque. Quand Ingliad aux quatre bras combattit le géant Nyctolm, du moins avait-il quatre bras. » « Eh bien, dit Ordener en souriant, s'il faut quatre bras, ne serez-vous pas mon guide ?»« Moi, votre guide ? Comment pouvez-vous railler ainsi d'un pauvre vieillard qui a déjà presque besoin d'un guide lui-même ?»« Écoutez, reprit Ordener, n'essayez pas vous-même de vous jouer de moi. Si cette profanation, dont je veux bien vous croire innocent, vous expose au châtiment des sacrilèges, vous ne pouvez rester ici. Il vous faut donc fuir. Je vous offre ma sauvegarde, mais à condition que vous me conduirez à la retraite du brigand. Soyez mon guide, je serai votre protecteur. Je dis plus. Si j'atteins Andisland, je l'amènerai ici mort ou vif. Vous pourrez prouver votre innocence, et je vous promets de vous faire rentrer dans votre emploi. Voilà. En attendant, plus d'écus royaux qu'il ne vous en rapporte par an. » Ordener, en gardant la bourse pour la fin, avait observé dans ses arguments la gradation voulue par les saines lois de la logique. Cependant, ils étaient par eux-mêmes assez forts pour faire rêver Spiagudry. Il commença par prendre l'argent. « Noble maître, vous avez raison, » dit-il ensuite. Et son œil, jusqu'alors indécis, se releva sur Ordener. « Si je vous suis, je m'expose quelque jour à la vengeance du formidable An. Si je reste, je tombe demain entre les mains du bourreau Rugix. Quel est donc déjà le supplice des sacrilèges ? N'importe, dans les deux cas, ma pauvre vie est en péril. Mais comme, d'après la juste observation de Sigismund Sigfusson, autrement dit le sage, « Inter duo pericula, qualia minus imminens eligendum est. » Je vous suis. Oui, seigneur, je serai votre guide. Veuillez ne pas oublier toutefois que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous détourner de votre aventureux dessein. « Soit, dit Ordener, vous serez donc mon guide. Vieillard, ajouta-t-il avec un regard expressif, je compte sur votre loyauté. Ah, maître, répondit le concierge, la foi de Spiagudry est aussi pure que l'or que vous venez de me donner si gracieusement. Qu'il n'en soit pas autrement. car je vous prouverai que le fer que je porte n'est pas de moins bon aloi que mon or. Où pensez-vous que soit en Islande ? Mais comme l'humidie du Drontheimus est plein de troupes qu'on y a envoyées sur je ne sais quelle réquisition du grand chancelier, An doit s'être dirigé vers la grotte de Walderlong ou vers le lac de Smiassen. Notre route est par Skongen. Quand pouvez-vous me suivre ? Après la journée qui commence, quand la nuit sera close et le Splatgest fermé, votre pauvre serviteur commencera près de vous les fonctions du guide, pour lesquelles il privera les morts de ses soins. Nous chercherons un moyen de cacher pendant tout le jour, aux yeux du peuple, la mutilation du mineur. Où vous trouverai-je ce soir ? Sur la grande place de Trondheim, s'il convient au maître, près la statue de la justice, qui fut jadis Freya, et qui me protégera sans doute de son ombre en reconnaissance du beau diable que j'ai fait sculpter sous ses pieds. Spiagudry allait peut-être répéter verbalement à Ordener les considérants de son placer au gouverneur, si celui-ci ne l'eût interrompu. « Il suffit, vieillard, le traité est conclu. »« Conclu, » répéta le concierge. Il achevait ce mot lorsqu'une espèce de grondement se fit entendre comme au-dessus d'eux. Le concierge tressaillit. « Qu'est cela ? » dit-il. « N'y a-t-il ici, » dit Ordener, également surpris, « d'autres habitants vivants que vous ?»« Vous me rappelez mon vicaire au Glipiglap, » reprit Spiagudry, rassuré par cette idée. « C'est lui, sans doute, qui dort bruyamment. Un lapon qui dort, selon l'évêque Harngrim, fait autant de bruit qu'une femme qui veille. » En parlant ainsi, il s'était rapproché de la porte du Splatgest. Spiagudry l'ouvrit doucement. « Adieu, mon jeune seigneur, » dit-il à Ordener. « Le ciel vous met en joie. À ce soir, si votre chemin vous conduit devant la croix de Saint-Hospice, daignez prier pour votre misérable serviteur, Benignus Spiagudry. » Alors, refermant en hâte la porte, autant de crainte d'être aperçu que pour garantir sa lampe des premières brises du matin, il revint près du cadavre de Gilles et s'occupa d'en tourner la tête de manière à en cacher la blessure. Il avait fallu bien des raisons pour décider le timide concierge à accepter l'offre aventureuse de l'étranger. Dans les motifs de sa téméraire détermination entraient 1. La crainte d'Ordener présent, 2. Celle du bourreau Rugix, 3. Une vieille haine pour Andislande, haine qu'il osait à peine s'avouer à lui-même, tant la terreur la comprimait. 4. L'amour pour les sciences, auquel son voyage serait si utile. 5. La confiance en son esprit rusé, pour se dérober au regard de An. 6. Un attrait tout spéculatif pour certains métals que renfermait la bourse du jeune aventurier, et dont paraissait aussi remplie la boîte de fer volée au capitaine et destinée à la veuve Stat. Message qui, maintenant, courait grand risque de ne jamais quitter le messager. Une dernière raison, enfin, c'était l'espérance, bien ou mal fondée, de rentrer tôt ou tard dans la place qu'il allait abandonner. Que lui importait d'ailleurs que le brigand tuât le voyageur ou le voyageur le brigand ? À ce point de sa rêverie, il ne put s'empêcher de dire à haute voix « Cela me fera toujours un cadavre !» Un nouveau grondement se fit encore entendre et le malheureux concierge frissonna. « Ce ne sont vraiment point là les ronflements d'Oglipiglap, » se dit-il. « Ce bruit vient du dehors. » Puis, après un moment de réflexion, « Je suis bien simple de m'effrayer ainsi. C'est sans doute le dogue du port qui se réveille et qui aboie. » Alors, il acheva de disposer les membres défigurés de Gilles. Puis, refermant toutes les portes, vint se délasser sur son grabat des fatigues de la nuit qui s'achevaient, et prendre des forces pour celles qui se préparaient. Chapitre 9. Juliette. Ah ! Crois-tu que nous nous revoyons jamais ? Roméo. Je n'en doute point, et toutes ces peines deviendront le doux entretien de nos jours à venir. Shakespeare. Le fanal du château de Munkholm venait de s'éteindre, et à sa place, le matelot, entrant dans le golfe de Trondheim, voyait le casque du soldat de garde briller de loin, comme une étoile mobile, aux rayons du soleil levant. Quand Schumacher, appuyé sur le bras de sa fille, descendit, comme de coutume, dans le jardin circulaire qui environnait sa prison. Tous deux avaient eu une nuit agitée, le vieillard par l'insomnie, la jeune fille par des rêves délicieux. Ils se promenaient depuis quelque temps en silence, quand le vieux prisonnier attacha sur la belle jeune fille un regard triste et grave. « Vous rougissez et souriez toute seule, est-elle. Vous êtes heureuse, car vous ne rougissez pas du passé, et vous souriez à l'avenir. » Est-elle rougit plus fort et cessa de sourire. « Monseigneur et père, dit-elle, embarrassée et confuse, j'ai apporté le livre de Léda. » « Eh bien, lisez, ma fille, dit Schumacher, et il retomba dans sa rêverie. Alors, le sombre captif, assis sur un rocher noirâtre, ombragé d'un sapin noir, écouta la douce voix de sa fille, sans entendre sa lecture, comme un voyageur altéré se plaît au murmure de la source où il puise la vie. Est-elle lui lut l'histoire de la bergère Alanga, qui refusa un roi jusqu'à ce qu'il eût prouvé qu'il était un guerrier. Le prince régné Lodbrog n'obtint la bergère qu'en revenant vainqueur du brigand de Klipstadur, Ingolf l'exterminateur. Soudain, un bruit de pas et de feuillage froissé vint interrompre sa lecture et arracher Schumacher à sa méditation. Le lieutenant Hallefeld sortit de derrière le rocher où ils étaient assis. Ethel baissa la tête en reconnaissant l'interrupteur éternel, et l'officier s'écria « Sur ma foi, ma belle damoiselle, le nom d'Ingolf l'exterminateur vient d'être prononcé par votre charmante bouche. Je l'ai entendu, et je présume que c'est en parlant de son petit-fils, en Islande, que vous êtes remonté jusqu'à lui. Les damoiselles aiment beaucoup à parler des brigands. Sous ce rapport, on compte d'Ingolf et de sa descendance des choses singulièrement agréables et effrayantes à entendre. L'exterminateur Ingolf n'eut qu'un fils, né de la sorcière Toarka. Ce fils n'eut également qu'un fils, né d'eux-mêmes d'une sorcière. Depuis 4 siècles, cette race s'est ainsi perpétuée pour la désolation de l'Islande, toujours par un seul rejeton qui ne produit jamais qu'un rameau. C'est par cette série d'héritiers uniques que l'esprit infernal d'Ingolf est arrivé de nos jours, sain et entier, au fameux Andisland, qui avait sans doute tout à l'heure le bonheur d'occuper les virginales pensées de la damoiselle. L'officier s'arrêta un moment. Ethel gardait le silence de l'embarras, Schumacher celui de l'ennui. Enchanté de les trouver disposés, sinon à répondre, du moins à écouter, il continua. Le brigand de Klipstadur n'a d'autre passion que la haine des hommes, d'autre soin que celui de leur nuire. Il est sage, interrompit brusquement le vieillard. Il vit toujours seul, reprit le lieutenant. Il est heureux, dit Schumacher. Le lieutenant fut ravi de cette double interruption qui semblait sceller un pacte de conversation. « Nous préserve le dieu Mitra, s'écria-t-il, de ces sages et de ces heureux. Maudit soit le zéphyr mal intentionné qui a apporté en Norvège le dernier des démons d'Islande. J'ai tort de dire mal intentionné, car c'est, assure-t-on, à un évêque que nous devons le bonheur de posséder Ann de Klipstadur. Si l'on en croit la tradition, quelques paysans islandais, ayant pris sur les montagnes de Bessedet le petit An encore enfant, voulurent le tuer, comme Astiage tua le lionceau de Bactriane. Mais l'évêque de Schakholt s'y opposa et prit l'oursin sous sa protection, espérant faire un chrétien du diable. Le bon évêque employa 1000 moyens pour développer cette intelligence infernale. oubliant que la ciguë ne s'était point changée en lys dans les serres chaudes de Babylone. Aussi, le démoniaque adolescent le paya-t-il de ses soins en s'enfuyant une belle nuit sur un tronc d'arbre à travers les mers et en éclairant sa fuite de l'incendie du manoir épiscopal. Voilà, selon les vieilles fileuses du pays, comment s'est transporté en Norvège cet Islandais, qui, grâce à son éducation, offre aujourd'hui toute la perfection du monstre. Depuis ce temps, les mines de Faroer, comblées et 300 ouvriers écrasés sous les décombres. Le rocher pendant de Gollin, précipité pendant la nuit sur le village qu'il dominait. Le pont de Halfbroen, croulant du haut des roches sous le passage des voyageurs. La cathédrale de Trondheim, incendiée. Les fanaux côtiers éteints durant les nuits orageuses. Et une foule de crimes et de meurtres ensevelis dans les lacs de Sparbo ou de Smiassen, ou cachés sous les grottes de Valderog et de Rilas, et dans les gorges du Dovrefjeld, ont attesté la présence de cet Ahriman incarné dans le Drømtemnus. Les vieilles prétendent qu'il lui pousse un poil de la barbe à chaque crime. En ce cas, sa barbe doit être aussi touffue que celle du plus vénérable mage assyrien. La belle damoiselle saura cependant que le gouverneur a plus d'une fois essayé d'arrêter la crue extraordinaire de cette barbe. Schumacher rompit encore le silence. « Et tous les efforts pour s'emparer de cet homme, dit-il avec un regard de triomphe et un sourire ironique, ont été vains? J'en félicite la grande chancellerie. » L'officier ne comprit pas le sarcasme de l'ex-grand chancelier. Han a jusqu'ici été aussi imprenable qu'Horatius, surnommé Coclès. Vieux soldats, jeunes miliciens, campagnards, montagnards, tout meurt ou tout fuit devant lui. C'est un démon qu'on ne saurait éviter ni atteindre. Ce qui peut arriver de plus heureux à ceux qui le cherchent, c'est de ne pas le trouver. La gracieuse damoiselle est peut-être surprise, continua-t-il en s'asseyant familièrement près d'Ethel, qui se rapprocha de son père. De tout ce que je sais de curieux et touchant cet être surnaturel, ce n'est pas sans intention que j'ai recueilli ces singulières traditions. Il me semble, et je serais heureux que ma charmante damoiselle partageât mon avis, que les aventures de Han pourraient fournir un roman délicieux dans le genre des sublimes écrits de la damoiselle Scudéry. L'Artamède ou la Clélie, dont je n'ai encore lu que 6 volumes, mais qui n'en est pas moins un chef-d'œuvre à mes yeux. Il faudrait, par exemple, adoucir notre climat, orner nos traditions, modifier nos noms barbares. Ainsi, Drontheim, qui deviendrait Durtignanum, verrait ses forêts se changer sous ma baguette magique en des bosquets délicieux, arrosés de 1000 petits ruisseaux, bien autrement poétiques que nos vilains torrents. Nos cavernes noires et profondes feraient place à des grottes charmantes, tapissées de rocailles dorées et de coquillages d'azur. Dans l'une de ces grottes habiterait un célèbre enchanteur, Anus de Thulé, car vous conviendrez que le nom de Han d'Islande ne flatte pas l'oreille. Ce géant, vous sentez qu'il serait absurde que le héros d'un tel ouvrage ne fût pas un géant. Ce géant descendrait en droite ligne du dieu Mars. Ingolf l'exterminateur ne présente rien à l'imagination, et de la magicienne Théone. Ne trouvez-vous pas le nom de Toarka heureusement altéré? Fille de la Sibylle de Cum. Anus, après avoir été enlevé par le grand mage de Thulé, se serait enfin échappé du palais du pontife, sur un char attelé de 2 dragons. Il faudrait être un pauvre esprit pour conserver la mesquine tradition du tronc d'arbre. Arrivé sous le ciel de Durtignanum, et séduit par ce pays charmant, il en aurait fait le lieu de sa résidence et le théâtre de ses crimes. Ce ne serait pas chose aisée que de faire une peinture agréable des brigandages de Han. On pourrait en adoucir l'horreur par quelque amour ingénieusement imaginé. La belgère La bergère Alcippe, en promenant un jour son agneau dans un bois de myrte et d'olivier, serait aperçue par le géant, qui céderait soudain au pouvoir de ses yeux. Mais Alcippe aimerait le beau Lycidas, officier des milices, en garnison dans son hameau. Le géant s'irriterait du bonheur du centurion, et le centurion des assiduités du géant. Vous concevez, aimable damoiselle, tout ce qu'une pareille imagination pourrait semer de charme dans les aventures de Anus. Je parierais mes bottes de Cracovie contre une paire de patins qu'un tel sujet, traité par la damoiselle Scudéry, ferait raffoler toutes les daignes de Copenhague. Ce mot arracha Schumacher de la sombre rêverie où il était resté enseveli pendant la dépense inutile de bel esprit que venait de faire le lieutenant. « Copenhague ? » dit-il brusquement. « Seigneur officier, que s'est-il passé de nouveau à Copenhague ?»« Rien, sur ma foi, que je sache, » répondit le lieutenant. « Sinon le consentement donné par le roi au mariage important qui occupe en ce moment les deux royaumes. »« Comment ? » reprit Schumacher. « Quel mariage ?» L'apparition d'un quatrième interlocuteur arrêta la réponse sur les lèvres du lieutenant. Tous trois levèrent les yeux. Le visage sombre du prisonnier s'éclaircit. La physionomie frivole du lieutenant prit une expression de gravité, et la douce figure d'Étel, pâle et confuse pendant le long soliloque de l'officier, se ranima de vie et de joie. Elle soupira profondément, comme si son cœur eût été allégé d'un poids insupportable. Et son sourire, triste et furtif, s'élança au-devant du nouveau venu. C'était Ordener. Le vieillard, la jeune fille et l'officier étaient devant Ordener dans une position singulière. Ils avaient chacun un secret commun avec lui. Aussi se gênaient-ils réciproquement. Le retour d'Ordener au donjon ne surprit ni Schumacher ni Etel, qui l'attendait. Mais il étonna le lieutenant, autant que la présence du lieutenant surprit Ordener, qui aurait pu craindre quelque indiscrétion de l'officier sur la scène de la veille, si le silence prescrit par la loi courtoise ne l'eût rassuré. Il ne pouvait donc que s'étonner de le voir paisiblement assis près des deux prisonniers. Ces quatre personnages ne pouvaient rien se dire réunis, précisément parce qu'ils auraient eu beaucoup à se dire isolément. Aussi, hormis les regards, d'intelligence et d'embarras, l'accueil que reçut Ordener fut-il absolument muet. Le lieutenant partit d'un éclat de rire. « Par la queue du manteau royal, mon cher nouveau venu, voilà un silence qui ne ressemble pas mal à celui des sénateurs gaulois. » Quand le Romain Brennus, je ne sais, en honneur, déjà plus qui était Romain ou Gaulois, des sénateurs ou du général, n'importe, puisque vous voilà. Aidez-moi à instruire cet honorable vieillard de ce qui se passe de nouveau. J'allais, sans votre subite entrée en scène, l'entretenir du mariage illustre qui occupe en ce moment Mèdes et Persans. Quel mariage ? Dirent en même temps Ordener et Schumacher. À la coupe de vos vêtements, seigneur étranger, s'écria le lieutenant en frappant des mains. J'avais déjà pressenti que vous veniez de quelque autre monde. Voilà une question qui change en certitude mon soupçon. Vous êtes sans doute débarqué hier sur les bords de la Nidère, dans un char fait attelé de deux griffons ailés, car vous n'auriez pu parcourir la Norvège sans entendre parler du fameux mariage du fils du vice-roi avec la fille du grand chancelier. Schumacher se tourna vers le lieutenant. « Quoi ? Ordener Gundelo épouse Ulrich d'Alfeld ?»« Comme vous dites, » répondit l'officier, « et cela sera conclu avant que la mode des Vertugadins à la française soit passée à Copenhague. » Le fils de Frédéric doit avoir environ 22 ans, car j'étais depuis une année dans la forteresse de Copenhague quand le bruit de sa naissance parvint jusqu'à moi. Qu'il se marie jeune, continua Schumacher avec un sourire amer, au moment de la disgrâce, on ne lui reprochera pas du moins d'avoir ambitionné le chapeau de cardinal. Le vieux favori faisait à ses propres malheurs une allusion que le lieutenant ne comprit pas. « Non, certes !» dit-il en éclatant de rire. « Le baron ordonneur va recevoir le titre de comte, le collier de l'éléphant et les aiguillettes de colonel, qui ne se concilient guère vraiment avec la barrette de cardinal. »« Tant mieux !» répondit Schumacher. Puis, après une pause, il ajouta, secouant la tête, comme s'il eût vu sa vengeance devant lui. « Quelques jours, peut-être, on lui fera un carcan du noble collier. On lui brisera sur le front sa couronne de comte. On lui battra les joues de ses aiguillettes de colonel. » Ordener saisit la main du vieillard. « Dans l'intérêt de votre haine, seigneur, ne maudissez pas le bonheur d'un ennemi avant de savoir si ce bonheur en est un pour lui. » « Hé, mais, dit le lieutenant, qu'importe au baron de Torvik les anathèmes du bonhomme ?»« Lieutenant, s'écria Ordener, il lui importe plus que vous ne pensez, peut-être. Et, poursuivit-il après un moment de silence, votre fameux mariage est moins certain que vous ne le croyez. »« Fiat quod vis, répartit le lieutenant avec une salutation ironique. Le roi, le vice-roi et le grand chancelier ont, il est vrai, tout disposé pour cette union. Ils la désirent, ils la veulent. Mais puisqu'elle déplaît au seigneur étranger, qu'importe le grand chancelier, le vice-roi et le roi. Vous avez peut-être raison, dit Ordener d'un air sérieux. Oh, sur ma foi! Et le lieutenant se renversa sur le dos en éclatant de rire. Cela est trop plaisant. Je voudrais pour beaucoup que le baron de Torvik fût ici, pour entendre un devin aussi bien instruit des choses de ce monde décider de sa destinée. Mon docte prophète, croyez-moi, vous n'avez pas encore assez de barbe pour être bon sorcier. Seigneur lieutenant, répondit froidement Ordener, je ne pense pas qu'Ordener Gundello épouse une femme sans l'aimer. Hé hé, voilà le livre des maximes. Et qui vous dit, seigneur du manteau vert, que le baron n'aime pas Ulrich d'Allefeld? Et, s'il vous plaît, à votre tour, qui vous dit qu'il l'aime? Ici, le lieutenant fut entraîné, comme il arrive souvent, par la chaleur de la conversation, à affirmer un fait dont il n'était pas sûr. Qui me dit qu'il l'aime? La question est amusante. J'en suis fâché pour votre divination. Mais tout le monde sait que ce mariage n'est pas moins un mariage de passion que de convenance. Excepté moi, du moins, dit Ordener d'un ton grave. Acceptez-vous, soit, mais qu'importe, vous n'empêcherez pas que le fils du vice-roi ne soit amoureux de la fille du chancelier. Amoureux? Amoureux, fou! Il faudrait en effet qu'il fût fou pour en être amoureux. « Voilà, n'oubliez pas de qui et à qui vous parlez. Ne dirait-on pas que le fils du comte vice-roi n'a pu s'éprendre d'une dame sans consulter ce rusto ?» En parlant ainsi, l'officier s'était levé. Etel, qui vit le regard d'Ordener s'enflammer, se précipita devant lui. « Oh » dit-elle, « de grâce calmez-vous. N'écoutez pas ces injures. Que nous importe que le fils du vice-roi aime la fille du chancelier ?» Cette douce main posée sur le cœur du jeune homme en apaisa la tempête. Il abaissa sur son étel un regard enivré et n'entendit plus le lieutenant, qui, reprenant sa gaieté, s'écriait « La demoiselle remplit avec une grâce infinie le rôle des dames sabines entre leur père et leur mari. Mes paroles étaient peu mesurées, j'oubliais, poursuivit-il en s'adressant à Ordener, qu'il existait entre nous un lien de fraternité et que nous ne pouvions plus nous provoquer. Chevalier, donnez-moi la main. Convenez-en. Vous aviez aussi oublié que vous parliez du fils du vice-roi à son futur beau-frère, le lieutenant Allefeld. » À ce nom, Schumacher, qui avait tout observé jusque-là d'un œil d'indifférence ou d'impatience, s'élança de son siège de pierre en poussant un cri terrible. « D'Allefeld ? Un d'Allefeld devant moi ? Serpent ! Comment n'ai-je pas reconnu dans le fils son exécrable père ? Laissez-moi paisible dans mon cachot. je n'ai point été condamné au supplice de vous voir. Il ne me manque plus, comme il l'osait souhaiter tout à l'heure, que de voir le fils de Guindello près du fils d'Alefeld. Traître, lâche, que ne viennent-ils eux-mêmes jouir de mes larmes de démence et de rage? Race, race à Boré, fils d'Alefeld, laisse-moi! L'officier, d'abord étourdi de la vivacité de ses imprécations, retrouva bientôt la colère et la parole. « Silence, vieil insensé! Auras-tu bientôt fini de me chanter les litanies des démons ?»« Laisse, laisse-moi !» poursuivit le vieillard. « Et emporte ma malédiction, pour toi et la misérable race de Guindello qui va s'allier à la tienne !»« Par Dieu !» s'écria l'officier furieux. « Tu me fais un double outrage !» Ordener arrêta le lieutenant qui ne se connaissait plus. Respectez un vieillard dans votre ennemi, lieutenant. Nous avons déjà des satisfactions à nous rendre. Je vous ferai raison des offenses du prisonnier. Soit, dit le lieutenant. Vous contractez une double dette. Le combat sera à outrance, car j'aurai mon beau-frère et moi à venger. Songez qu'avec mon gant, vous ramassez celui d'Ordener Guindello. Lieutenant d'Alefeld, répondit Ordener. « Vous embrassez le parti des absents avec une chaleur qui prouve de la générosité. N'y en aurait-il pas autant à prendre pitié d'un malheureux vieillard à qui l'adversité donne quelque droit d'être injuste ?» D'Alefeld était de ces âmes chez qui on éveille une vertu avec une louange. Il serra la main d'Ordener et s'approcha de Schumacher, qui, épuisé par son emportement même, était retombé sur le rocher dans les bras d'Ethel et pleurait. « Seigneur Schumacher, dit l'officier, vous avez abusé de votre vieillesse, et j'allais peut-être abuser de ma jeunesse si vous n'aviez trouvé un champion. J'étais entré ce matin pour la dernière fois dans votre prison, car c'était pour vous dire que désormais vous pourriez rester, d'après l'ordre spécial du vice-roi, libre et sans garde dans le donjon. Recevez cette bonne nouvelle de la bouche d'un ennemi. Retirez-vous, dit le vieux captif d'une voix sourde. Le lieutenant s'inclina et obéit, intérieurement satisfait d'avoir conquis le regard approbateur d'Ordener. Schumacher resta quelque temps, les bras croisés et la tête courbée, enseveli dans ses rêveries. Tout à coup, il releva son regard sur Ordener, debout et en silence devant lui. « Eh bien » dit-il. « Seigneur comte, Dis Paulsen est mort, assassiné. » La tête du vieillard retomba sur sa poitrine. Ordener poursuivit. « Son assassin est un brigand fameux, Andisland. »« Andisland ?» dit Schumacher. « Andisland !» répéta Ethel. « Il a dépouillé le capitaine, » continua Ordener. « Ainsi, » dit le vieillard, « vous n'avez point entendu parler d'un coffret de fer scellé des armes de Grimfenfeld ?»« Non, seigneur. » Schumacher laissa tomber son front sur ses mains. « Je vous le rapporterai, seigneur comte, fiez-vous à moi. Le meurtre a été commis hier matin. Han a fui vers le nord. J'ai un guide qui connaît ses retraites. J'ai souvent parcouru les monts du Trotemus. J'atteindrai le brigand. » Ethel pâlit, Schumacher se leva. Son regard avait quelque chose de joyeux, comme s'il comprenait encore la vertu chez les hommes. « Noble Ordener, dit-il, adieu. » Et levant une main vers le ciel, il disparut derrière les broussailles. Quand Ordener se retourna, il vit, sur le roc bruni par la mousse, Ethel, pâle, comme une statue d'albâtre sur un piédestal noir. « Juste Dieu, mon Ethel » dit-il, se précipitant près d'elle et la soutenant dans ses bras. « Qu'avez-vous ?»« Oh !» répondit la tremblante jeune fille, d'une voix qu'on entendait à peine. « Oh ! Si vous avez, non quelque amour, mais quelque pitié pour moi, Seigneur !» Si vous ne me parliez pas hier tout à fait pour m'abuser, si ce n'est pas pour causer ma mort que vous avez daigné venir dans cette prison, Seigneur Ordener, mon Ordener, renoncez au nom du ciel, au nom des anges, renoncez à votre projet insensé. Ordener, mon bien-aimé Ordener, poursuivit-elle, et ses larmes s'échappaient avec abondance, et sa tête s'était penchée sur le sein du jeune homme. Fais-moi ce sacrifice, ne poursuis pas ce brigand, cet affreux démon que tu veux combattre. Dans quel intérêt y vas-tu, Ordener? Dis-moi, quel intérêt peut être plus cher que celui de la malheureuse que tu nommais hier ta bien-aimée épouse? Elle s'arrêta, suffoquée par les sanglots. Ses deux bras étaient attachés par ses mains jointes au cou d'Ordener, sur les yeux duquel elle fixait ses yeux suppliants. Mon est-elle adorée, vous vous alarmez à tort. Dieu soutient les bonnes intentions, et l'intérêt pour lequel je m'expose n'est autre que le vôtre. Ce coffret de fer renferme. Et elle l'interrompit. Mon intérêt, ai-je un autre intérêt que ta vie? Et si tu meurs, Ordener, que veux-tu que je devienne? Pourquoi penses-tu que je mourrai, est-elle? Ah, tu ne connais donc pas ce Han, ce brigand infernal. Sais-tu à quel monstre tu cours? Sais-tu qu'il commande à toutes les puissances des ténèbres, qu'il renverse des montagnes sur des villes, que son pas fait crouler les cavernes souterraines, que son souffle éteint les fanaux sur les rochers? Mais crois-tu, Ordener, résister à ce géant aidé du démon avec tes bras blancs et ta frêle épée? Et vos prières, est-elle, et l'idée que je combats pour vous? Sois-en sûre, mon est-elle, on t'a beaucoup exagéré la force et le pouvoir de ce brigand. C'est un homme, comme nous, qui donne la mort jusqu'à ce qu'il la reçoive. Tu ne veux donc pas m'écouter? Mes paroles ne sont donc rien pour toi? Que veux-tu, dis-moi, que je devienne si tu pars, si tu vas errer de périls en périls, exposant, pour je ne sais quel intérêt de la terre, tes jours qui sont à moi, les livrant à un monstre? Ici, les récits du lieutenant apparurent de nouveau à l'imagination d'Ethel, accrue de tout son amour et de toute sa terreur. Elle poursuivit, d'une voix entrecoupée par les sanglots. Je te l'assure, mon bien-aimé Ordener, ils t'ont trompé, ceux qui t'ont dit que ce n'était qu'un homme. Tu dois me croire plus qu'eux, Ordener. Tu sais que je ne voudrais pas te tromper. On a mille fois essayé de le combattre. Il a détruit des bataillons entiers. Je voudrais seulement que d'autres te le disent. Tu les croirais et tu n'irais pas. Les prières de la pauvre Ethel auraient sans doute ébranlé l'aventureuse résolution d'Ordener, s'il n'eût été aussi avancé. Les paroles échappées la veille au désespoir de Schumacher revinrent à sa mémoire et le raffermirent. « Je pourrais, ma chère Ethel, vous dire que je n'irai pas, et n'en pas moins exécuter mon projet, mais je ne vous tromperai jamais, même pour vous rassurer. Je ne dois pas, je le répète, balancer entre vos larmes et vos intérêts. Il s'agit de votre fortune, de votre bonheur, de votre vie peut-être, de ta vie, mon est-elle. » Et il la pressait doucement dans ses bras. « Mais que me fait tout cela ? » reprit-elle éplorée. « Mon ami, mon Ordener, ma joie, tu sais que tu es toute ma joie. Ne me donne pas un malheur affreux et certain pour des malheurs légers et douteux. Que me font ma fortune, ma vie ? » ?»« Il s'agit aussi, est-elle, de la vie de votre père. » Elle s'arracha de ses bras. « De mon père ? » répéta-t-elle à voix basse et en pâlissant. « Oui, est-elle. Ce brigand, soudoyé sans doute par les ennemis du comte Grimfenfeld, a en son pouvoir des papiers dont la perte compromet les jours, déjà si détestés, de votre père. Je veux lui reprendre ces papiers, avec la vie. » Ethel resta quelques instants pâle et muette. Ses larmes s'étaient taries, son sein gonflé respirait péniblement. Elle regardait la terre d'un œil terne et indifférent, de l'œil dont le condamné la regarde au moment où la hache se lève derrière lui, sur sa tête. « De mon père !» murmura-t-elle. Puis elle tourna lentement les yeux sur Ordener. « Ce que tu fais est inutile. « Mais fais-le. » ordonnèrent l'attira sur son sein. « Oh, noble fille, laisse ton cœur battre sur le mien. Généreuse amie, je reviendrai bientôt. Va, tu seras à moi. Je veux être le sauveur de ton père pour mériter de devenir son fils. Mon Ethel, ma bien-aimée Ethel. » Qui pourrait dire ce qui se passe dans un noble cœur qui se sent compris d'un noble cœur? Et si l'amour unit ces deux âmes pareilles d'un lien indestructible, qui pourrait peindre ces inexprimables délices? Il semble alors que l'on éprouve, réunis dans un court moment, tout le bonheur et toute la gloire de la vie, embellie du charme des généreux sacrifices. Oh, mon ordinaire, va! Et si tu ne reviens pas, la douleur sans espoir tue. J'aurai cette lente consolation. Ils se levèrent tous deux, et Ordener plaça sur son bras le bras d'Ethel, et dans sa main cette main adorée. Ils traversèrent en silence les allées tortueuses du sombre jardin, et arrivèrent à regret à la porte de la tour qui servait d'issue. Là, Ethel, tirant de son sein de petits ciseaux d'or, coupa une boucle de ses beaux cheveux noirs. Reçois-la, Ordener, qu'elle t'accompagne, qu'elle soit plus heureuse que moi. Ordener pressa religieusement sur ses lèvres ce présent de sa bien-aimée. Elle poursuivit. Ordener, pense à moi, je prierai pour toi. Ma prière sera peut-être aussi puissante auprès de Dieu que tes armes devant le démon. Ordener s'inclina devant cet ange. Son âme sentait trop pour que sa bouche pût parler. Ils restèrent quelque temps sur le cœur l'un de l'autre. Au moment de la quitter, peut-être pour jamais, Ordener jouissait, avec un triste ravissement, du bonheur de tenir une fois encore toute son Ethel entre ses bras. Enfin, déposant un chaste et long baiser sur le front décoloré de la douce jeune fille, il s'élança violemment sous la voûte obscure de l'escalier en spirale, qui lui apporta un moment après le mot si lugubre et si doux. « Adieu,